Chapitre 3 Le danger commence pour la reine et pour Tindal, 1534 jusqu'à août 1535. 8.3 Tindal à Anvers traduit l'Ancien Testament. Sa charité et son zèle. Joy prétend corriger sa version. Belle protestation de Tindal. Anne protège les amis de l'Évangile, son message en faveur de Harman. Mécontentement du roi. Complot contre Tindal. Embûche qu'on lui tend. Ruse. Essai de séduction. On a recours au gouvernement impérial. On entoure la maison de Tindal. Le traître. Arrestation de Tindal. Il est enfermé au château de Vilvorde. La vie des réformateurs. Apologie de la réforme. Deux personnes étaient surtout alors redoutées par le parti romain. L'une se trouvait à la sommité des grandeurs du monde, l'autre à la sommité des grandeurs de la foi, la reine et Tindal. L'heure de l'épreuve allait commencer pour l'une et pour l'autre. Il existait une autre réformation que celle dont les shérifs devaient être les agents. Il y avait d'autres réformateurs que Henri VIII. Un homme voulant renouveler l'Église de Christ en Angleterre avait fait de la traduction des Saintes Écritures la tâche de sa vie. Tindal avait dû quitter sa patrie, mais il ne s'en était éloigné que pour préparer une semence qui, portée sur les ailes des vents, devait changer les déserts de la Grande-Bretagne en de fertiles jardins. L'ancien précepteur d'un manoir de la Severn s'était établi, en 1534, aussi près que possible de l'Angleterre, à Anvers, d'où des navires partaient fréquemment pour les ports britanniques. Les marchands anglais, fort nombreux dans cette ville, l'accueillaient avec une bienveillante cordialité. Parmi eux se trouvait un ami de l'Évangile, M. Thomas Poyntz, dont le frère avait une charge dans la maison du roi. Cet aimable chrétien avait reçu le réformateur Tindal sous son toit, et celui-ci s'y occupait sans relâche de la traduction de l'Ancien Testament quand un navire anglais lui apporta la nouvelle du martyre de Fraisse, son collaborateur habituel. Tindal versa beaucoup de larmes et ne pouvait se décider à continuer seul son travail. Mais la pensée que Fraisse avait glorifié Jésus-Christ dans sa prison le releva. Il sentit le devoir de le glorifier lui aussi dans son exil. La perte de son ami lui rendit son sauveur encore plus précieux et il trouva près de lui le repos de son âme. « J'ai perdu mon frère, dit-il, mais en Christ, tous les chrétiens et même tous les anges me sont père, mère, frère et sœur, et Dieu lui-même prend soin de moi. Ô Christ, mon Rédempteur, mon bouclier, ton sang, ta mort, tout ce que tu es, tout ce que tu as fait, toi, toi-même, tu es à moi. » Tindal, fortifié par la foi, redoubla de zèle pour le service de son maître. Cet homme infatigable ne se contentait pas d'étudier avec zèle les Écritures, il voulait joindre à la science la charité qui opère. Les marchands anglais d'Anvers, lui donnant une somme considérable, il la consacrait aux pauvres. Mais il ne se contentait pas de donner et il se réservait, outre le dimanche, deux jours qu'il nommait ses jours de récréation. Le lundi, il parcourait les rues les plus retirées d'Anvers, cherchait dans quelques galetas de pauvres réfugiés anglais, hommes ou femmes, chassés de leur patrie à cause de l'Évangile, leur apprenait à trouver léger le fardeau de Jésus-Christ et prenait soin des malades. Le samedi, il sortait de ville, parcourait les villages, les maisons isolées, et ne se laissait pas un coin sans y pénétrer. S'il y rencontrait quelques pères de famille laborieux, mais surchargés d'enfants, quelques vieillards ou quelques infirmes, il se hâtait de partager ses ressources avec ses malheureux. « Nous devons être pour notre prochain, disait-il, ce que Christ a été pour nous. » C'est là ce que Tindal appelait ses passe-temps. Le dimanche matin, il se rendait dans la maison d'un marchand où une salle était préparée pour le culte évangélique. Et il lisait et expliquait les Écritures avec tant de douceur, d'onction et d'esprit pratique que l'audience, disait-on, croyait entendre saint Jean l'évangéliste. Pendant le reste de la semaine, le laborieux docteur était tout entier à la traduction des Écritures. Il n'était pas de ceux qui demeurent oisifs dans l'espérance que la grâce abondera. « Si nous sommes justifiés par la foi, disait-il, c'est afin que nous fassions des œuvres chrétiennes. » De bonnes nouvelles arrivées de Londres vinrent alors le consoler de la mort de Fraisse. De tous côtés, on demandait le Nouveau Testament. Plusieurs imprimeurs flamands le mettaient sous presse en disant « Quand Tyndall en imprimerait 2000 exemplaires, et nous autant, ce serait peu de chose pour toute l'Angleterre ». 4 nouvelles éditions du Saint-Livre sortirent en 1534 des presses d'Anvers. Il se trouvait alors dans cette ville un homme peu digne d'être ouvrier avec Tyndall, George Jones, ancien fellow de Cambridge, était un de ces caractères prompts mais superficiels, sans science et sans jugement, qui ne craignent pas de se lancer dans des œuvres au-dessus de leur portée. Joy, qui avait quitté l'Angleterre en 1527, voyant la considération que les travaux de Tyndall attiraient à leur auteur, ambitieux d'acquérir aussi quelque gloire, se mit, quoiqu'il ne sût ni l'hébreu ni le grec, à corriger le Nouveau Testament de Tyndall d'après la Vulgate et ses propres imaginations. Un jour, Tyndall ayant refusé d'adopter une de ses extravagantes corrections, Joy fut piqué au vif. « Je n'ai pas peur de lui tenir tête en cette matière, dit-il, malgré sa haute science en hébreu, en grec et en latin. » Tyndall en savait davantage. « Il possède 7 langues, disait Bruch, disciple de Reclin. L'hébreu, le grec, le latin, l'italien, l'espagnol, l'anglais, le français, et si parfaitement que, quelle que soit celle qu'il parle, on croit que c'est sa langue maternelle. » Au mois d'août parut à Anvers la traduction de Joy, annoncée par lui comme plus claire et plus fidèle. Tyndall parcourut les feuilles de ce travail, si vanté par son auteur, et fut navré de se voir si maladroitement corrigé. Il releva quelques-unes des erreurs de Joy et fit cette déclaration touchante et solennelle « Je proteste, en présence de Dieu, de Jésus-Christ, et devant l'Assemblée universelle des croyants, que je n'ai jamais écrit quelque chose par envie pour répandre quelque erreur, pour attirer après moi des disciples. Je n'ai jamais eu d'autre désir que d'amener mes frères à la connaissance de Christ. Et si dans ce que j'ai écrit ou traduit, il y a quelque chose de contraire à la parole de Dieu, je prie tous les hommes de le rejeter comme je le rejette moi-même devant Jésus-Christ et son Assemblée. » Ce fut au mois de novembre 1534, que Tyndall fit cette belle protestation, chant de cygne du réformateur. Tandis que Joy, cet homme faux et vain, faisait cette petite guerre à Tyndall, chaque navire parti de Londres qui abordait à Anvers y annonçait que la grande guerre semblait s'apaiser en Angleterre et que le roi et ceux qui l'entouraient se rapprochaient du protestantisme. Il s'était opéré, dans l'esprit d'Anne, un changement analogue à celui qui s'était accompli dans sa situation. Elle avait été ambitieuse et mondaine, mais du moment où elle était montée sur le trône, son caractère avait grandi, et elle était devenue reine. Elle voulait être la mère de son peuple, et particulièrement de ceux qui marchaient dans la voie des Saintes Écritures. Dans les premiers transports de son affection, Henri avait voulu partager avec elle tous les honneurs de la souveraineté, et Anne avait pris cette haute position plus au sérieux que Henri ne l'avait pensé. Quand il vit celle qu'il avait fait asseoir à côté de lui, s'imaginait avoir quelque puissance, le monarque, égoïste et jaloux, fronça le sourcil. Ce fut le commencement de l'orage qui fit passer Anne Boleyn du trône à l'échafaud. Elle osa ordonner à Cromwell d'indemniser les marchands qui auraient subi quelques pertes pour avoir introduit en Angleterre le Nouveau Testament. « S'il se passe un jour, disait-on, sans qu'elle ait l'occasion de rendre quelque service à un ami de l'Évangile, elle a coutume de dire comme Titus, « J'ai perdu ma journée. » Harman, négociant d'Anvers, homme courageux, qui avait aidé Tyndall à publier l'Évangile en anglais, avait en conséquence été retenu 7 mois en prison par Wolsey et Hackett. Quoique relâché, il était encore privé de ses privilèges et obligé de suspendre ses affaires. Il se rendit en Angleterre, il ne s'adressa, pour être rétabli dans ses droits, ni au lord chancelier ni à Cromwell, mais alla droit à la reine. Anne, alors au palais de Greenwich, fut touchée de sa piété et de ses souffrances. Et sans doute, sans avoir pris l'avis du roi, elle dicta le message suivant, adressé au premier ministre, et que nous croyons devoir citer tout au long. De par la reine. Anne, reine, fidèle et bien-aimée, nous vous saluons. Étant informé d'une manière digne de foi que le porteur de la présente, Richard Harman, négociant et citoyen d'Anvers, en Brabant, a été privé du temps de feu Monseigneur le Cardinal de ses droits et de ses franchises, en la maison anglaise de la dite ville, uniquement parce que, comme il l'affirme et comme le doit un bon chrétien, il a contribué de ses biens, de son intelligence, de son activité, a publié le Nouveau Testament en anglais. Nous vous prions instamment de faire en sorte qu'en toute hâte et avec toute la bienveillance convenable, ce sincère, fidèle et dévoué sujet de Monseigneur soit rétabli en ses droits, franchises et libertés. Nous vous requérons en même temps de vouloir bien l'entendre touchant ces choses, vu qu'il a des rapports à vous faire à cet égard. Donnez sous notre sceau au manoir de Monseigneur, à Greenwich, le 14 mai. À notre fidèle et bien-aimé Thomas Cromwell, principal secrétaire de Sa Majesté le Roi, Monseigneur. Cette intervention de la reine en faveur d'un évangélique persécuté fut fort remarquée. Les uns attribuaient sa conduite aux intérêts de sa propre cause, d'autres à l'humanité. La plupart des amis de la Réformation y virent la preuve qu'Anne était gagnée à leur conviction. Et Tyndall témoigna à la reine sa reconnaissance en lui faisant don d'un bel exemplaire de son Nouveau Testament. Ce qui faisait la joie de Tyndall mécontenta fort le roi. Cette espèce d'ordre du cabinet de la reine déplaisait souverainement un monarque dont la volonté était qu'on ne traitât d'affaires qu'en son conseil. Il y avait même dans cet ordre, aux yeux de Henri, un mal plus grand encore, la réformation évangélique que Henri avait si vivement combattue et qu'il détesta jusqu'à la fin, faisait de grands pas en Angleterre. Le 4 juillet 1533, Fries, l'ami de Harman et de Tyndall, avait été brûlé à Smithfield comme étant l'un de ses adhérents. Et 10 mois après, le 14 mai 1534, Harman, l'ami de Tyndall et de Fries, était proclamé par la reine un bon chrétien. Anne osait se déclarer l'ami de ceux que le roi haïssait. Prétendait-elle faire une révolution, s'opposer à toutes les opinions du roi, son seigneur? Cette lettre ne restait pas sans effet. On apprenait que les amis de la parole de Dieu, profitant de ses dispositions favorables, imprimaient à Anvers 6 éditions diverses du Nouveau Testament et les faisaient arriver en Angleterre. Ce n'était pas seulement le roi qui s'irritait. La colère du parti romain était encore plus grande. Mais n'osant frapper la reine, on cherchait une autre victime. L'évêque Fisher, Thomas More, Henri VIII même, semble n'avoir point eu part à ce nouveau crime. Gardiner, maintenant évêque de Winchester, donnait au corps épiscopal une puissance dont il avait été longtemps privé. Et plusieurs évêques, enflammés de colère, dit un document, se rappelaient que le meilleur moyen de tarir le cours d'un fleuve est de s'attaquer à la source. C'était de Tyndall que provenaient tous ces écrits, ces évangiles qui, selon eux, égaraient l'Angleterre. Or, le moment semblait favorable pour se débarrasser de lui. Il se trouvait en effet dans les états de Charles Quint, ce grand ennemi de la Réformation. Gardiner et ses alliés résolurent d'envoyer dans les Pays-Bas 2 hommes chargés d'épier le réformateur, de le surprendre et de le faire mettre à mort. Ils choisirent, à cet effet, un moine fort habile de l'abbaye de Stratford et un jeune et dévoué papiste qui avait l'air d'un gentilhomme et qu'on espérait voir, par son amabilité, gagner bien vite le cœur de Tyndall. On était vers la fin de 1534. Le réformateur était toujours logé à Anvers, dans la maison de Thomas Poyntz. Un jour qu'il était à table chez un autre négociant, il remarqua parmi les convives un jeune homme de haute taille et de bonne apparence qu'il ne connaissait pas. « C'est l'un de vos compatriotes, lui dit le maître de la maison, Monsieur Harry Phillips, homme comme il faut et d'un caractère agréable. » Tyndall s'approcha du nouveau venu et fut charmé de sa conversation. Après le dîner, au moment où l'on se séparait, il remarqua près de Phillips un autre individu dont la figure, moins ouverte, le prévint peu en sa faveur. « C'est Gabriel, lui dit-on, son domestique. » Tyndall invita Phillips à venir le voir. Le jeune laïc ne manqua pas à l'invitation et le candide réformateur en fut tellement enchanté qu'il ne pouvait passer un seul jour sans lui. Il l'invitait tantôt à dîner, tantôt à souper. Enfin, Phillips lui devint si nécessaire qu'il l'engagea, avec le consentement de Poyntz, à venir demeurer dans la même maison que lui. Depuis quelque temps, on ne voyait plus Gabriel. Tyndall, s'étant informé de ce qu'il était devenu, apprit qu'il était allé à Louvain. Or, là était le centre du cléricalisme romain en Belgique. Une fois que Tyndall et Phillips furent logés sous le même toit, leur intimité s'accrut, Tyndall n'eut plus de secret pour son compatriote, celui-ci passait des heures dans la bibliothèque de l'helléniste qui lui montrait ses livres, ses manuscrits, l'entretenait de ses travaux passés et futurs et des moyens qu'il avait pour répandre le Nouveau Testament dans toute l'Angleterre. Le traducteur de la Bible, plein de candeur, de simplicité, ne supposait pas le mal, ne prenait rien en mauvaise part, ne pensait que du bien de son prochain et se livrait comme un enfant. Phillips, moins noble qu'il ne le paraissait, était le fils d'un percepteur des douanes dans le Devonshire, et le prétendu domestique, moine déguisé, était ce religieux rusé et pervers qu'on avait été chercher à Stratford et donné au soi-disant gentilhomme, en apparence comme son serviteur, en réalité comme son conseiller et son maître. Ni Wolsey, ni More, ni Hackett n'étaient parvenus à s'emparer de Tyndall. Mais Gardiner, d'une malice innée, aux mouvements obliques, connaissant toutes les retraites et les issues, toutes les circonstances et les personnes, savait procéder sans bruit, épier en silence sa proie, la surprendre et se lancer sur elle au moment où elle y pensait le moins. Il lui fallait deux choses pour s'emparer de Tyndall, un appât qui l'attira et un oiseau de proie qui le saisit. Il avait pris pour appât Phillips et pour oiseau de proie le moine Gabriel Dune. Le noble Poyntz, plus expérimenté que le réformateur, regardait depuis quelque temps d'un œil scrutateur le nouvel hôte introduit dans sa maison. Phillips avait beau faire la meilleure grâce du monde, il y avait en lui quelque chose qui ne plaisait pas au digne négociant. « Maître Tyndall, dit-il un jour au réformateur, comment avez-vous fait connaissance avec cet individu ?»« Oh, c'est un homme fort honnête, répondit le docteur, bien instruit et très comme il faut. » Poyntz se tut. Cependant, le moine était revenu de Louvain, où il était allé s'entendre avec quelques chefs du parti ultramontain. Si son compagnon et lui gagnaient M. Poyntz, il leur serait facile de s'emparer de Tyndall. Ils crurent qu'il suffirait de montrer aux négociants qu'ils avaient de l'argent, s'imaginant que tout homme était à acheter. Un jour, Phillips dit à Poyntz, « Monsieur, je suis étranger ici. Je vous serai bien obligé de me montrer en vert. » Ils sortirent ensemble. Phillips crut le moment venu de faire comprendre à Poyntz qu'il était bien muni d'or et en avait même de quoi en donner à d'autres. « J'ai besoin de faire diverses emplettes, dit-il. Vous m'obligeriez fort de me diriger, il me faut les meilleures marchandises. L'argent, ajouta-t-il, ne me manque pas. » Alors, il fit un pas de plus et sonda son homme pour voir s'il ne pourrait pas l'aider dans son dessein. Poyntz ayant l'air de ne rien comprendre, Phillips n'alla pas plus loin. La ruse ne réussissant pas, il fallait avoir recours à la force. Phillips, d'après l'avis de Gabriel, partit pour Bruxelles afin de préparer le coup qui devait frapper Tyndall. Jamais l'empereur et ses ministres n'avaient été aussi irrités contre l'Angleterre et sa réformation. Les troupes de Charles Quint étaient en marche et l'on s'attendait à tout moment à ce que la guerre éclatât entre l'empereur et le roi. Arrivé à Bruxelles, le jeune Anglais se présenta à la cour et au gouvernement. Il déclara être un catholique romain, indigné des réformes religieuses de l'Angleterre et dévoué à la cause de Catherine. Il exposa aux ministres de Charles Quint qu'ils avaient dans les Pays-Bas l'homme qui empoisonnait le royaume, que s'il faisait mourir Tyndall, il sauverait en Angleterre la papauté. Les ministres de l'empereur, ravis de voir des Anglais faire cause commune avec eux contre Henri VIII, accordèrent aux délégués de Gardiner ce qu'ils demandaient. Phillips, n'épargnant aucune dépense pour arriver à son but, retourna à Anvers, accompagné du procureur général et d'autres officiers de l'empereur. L'important était de saisir Tyndall sans avoir recours aux autorités de la ville et même sans qu'elles en sussent rien. Les juges hanséatiques n'avaient-ils pas eu l'étrange audace, dans le cas de Harman, de déclarer qu'ils ne condamnaient pas un homme sans preuve positive ? Le moine, qui probablement n'était pas allé à Bruxelles, entreprit de reconnaître les abords de la place. Un jour, comme Poyntz était assis devant sa porte, Gabriel s'approcha de lui. « Maître Tyndall, est-il à la maison ? » lui dit-il. « Mon maître désire lui faire visite. » La conversation s'engageant, tout semblait favoriser les desseins du moine. Il apprit que dans 3 ou 4 jours, Poyntz partait pour Bar-le-Duc, où il resterait environ 6 semaines. C'était précisément ce qu'il fallait à Gabriel, car il redoutait l'œil perçant du marchand anglais. Peu après, Phillips, le procureur général et ses officiers arrivèrent à Anvers. Le premier se rendit immédiatement à la maison de Poyntz, dont il ne trouva que la femme. « Maître Tyndall, lui dit-il, dîne-t-il aujourd'hui chez vous ? J'aurais grande envie de dîner avec lui, madame. Qu'avez-vous de bon à nous donner ?»« Ce qui se trouve au marché, répondit-elle laconiquement. « Bien, bien, dit le perfide papiste, et il sortit. Le nouveau Judas se hâta de rejoindre le procureur général et convint avec lui de la marche à suivre. L'heure du dîner n'étant plus éloignée, « Venez, dit-il, je vais vous le livrer. » Le procureur impérial Sigean, Phillips et le moine se dirigèrent vers la maison de Poyntz, observant tout avec soin et prenant les mesures nécessaires pour ne pas attirer l'attention. On entrait dans la maison de Poyntz par une allée longue et étroite. Phillips plaça quelques-uns des agents à quelque distance dans la rue, d'autres près de la porte de l'allée. « Je sortirai avec Tyndall, dit-il aux agents. Celui que je vous montrerai du doigt sera celui que vous saisirez. » Ces mots dits, Phillips entra. Il était environ midi. Ce malheureux aimait excessivement l'argent. Il en avait reçu beaucoup des prêtres d'Angleterre pour payer sa mission, mais il pensa qu'avant de livrer sa victime à la mort, il n'était que juste de la dépouiller. Ayant trouvé Tyndall chez lui, il lui dit, après quelques compliments, « Il faut que je vous conte mon malheur, j'ai perdu ce matin ma bourse entre Malines et Anvers, et je me trouve sans argent, pourriez-vous m'en prêter ?» Tyndall, simple et sans expérience dans les artifices de ce monde, alla chercher la somme demandée qui équivaudrait de nos jours à 30 livres sterling. Phillips, ravi, mit soigneusement l'argent en poche et ne pensa plus qu'à livrer son débonnaire ami. « Eh bien, maître Tyndall, lui dit-il, nous allons dîner ici ensemble. » « Non, répondit le docteur, je dîne dehors aujourd'hui. Venez plutôt avec moi, je puis vous garantir que vous serez le bienvenu. » Phillips accepta avec joie. La promptitude d'exécution était pour son affaire un événement de succès. Les deux amis s'apprêtèrent à partir. Le passage par lequel ils devaient sortir était, comme nous l'avons dit, si étroit que deux personnes ne pouvaient y marcher de front. Tyndall, voulant faire les honneurs à Phillips, l'invita à passer le premier. « Je n'y consentirai jamais, répondit celui-ci, affectant une grande civilité. Je sais le respect que je vous dois, c'est à vous que le pas appartient. » Puis, prenant le docteur respectueusement par la main, il le fit entrer dans le passage. Tyndall, qui n'était pas de haute taille, s'avança donc le premier, tandis que Phillips, qui était très grand, le suivait. Il avait placé à la porte deux agents, qui s'étaient assis sur deux sièges des deux côtés de l'allée. Entendant des pas, ils regardèrent et virent l'innocent Tyndall qui s'approchait sans soupçon, et par-dessus lui, ils aperçurent la tête de Phillips. C'était l'agneau mené à la boucherie par l'homme qui allait vendre sa chair. Les commissaires de la justice, quelquefois si durs, éprouvèrent à cette vue un sentiment de compassion. Mais le traître, se levant derrière le réformateur qui allait entrer dans la rue, mit son index sur la tête de Tyndall selon le signal dont on était convenu et lança au sergent un regard significatif comme s'il leur disait « c'est lui ». Ces hommes mirent aussitôt la main sur Tyndall qui, dans sa sainte simplicité, ne comprit pas d'abord ce qu'il prétendait faire. Il le sut bientôt. En effet, on lui ordonna d'avancer, les agents suivirent et il fut conduit ainsi au procureur général. Celui-ci dînait, il invita Tyndall à se mettre à table avec lui, puis, ordonnant à ses gens de le garder avec soin, ce magistrat se rendit à la maison de Poyntz. Il s'empara des papiers, des livres, de tout ce qui avait appartenu au réformateur, et retournant vers lui, le mit dans une voiture, avec tout son butin, et partit. La nuit ne tarda pas à tomber. Après un voyage d'environ 3 heures, ils arrivèrent devant le vaste et fort château de Vilvorde, construit en 1375 par le duc Venceslas, et situé à 2 ou 3 lieues de Bruxelles, sur la rive de la Seine, entouré d'eau de tous côtés et flanqué de 7 tours. Le pont-levis se baissa, et Tyndall fut livré aux mains du châtelain qui le mit en lieu sûr. Le réformateur de l'Angleterre ne devait pas sortir de Vilvorde, comme Luther de la Warbourg. Ceci se passait à ce qu'il paraît en août 1535. Le but de sa mission une fois atteint, Phillips, craignant l'indignation des marchands anglais, se sauva à Louvain. assis dans quelque auberge ou à la table des moines, des professeurs, des prélats, quelquefois même à Bruxelles, à celle de la cour, il se vantait de son exploit et, voulant se faire bien venir des impériaux, il appelait Henri VIII un tyran, un spoliateur de l'État. Les marchands anglais d'Anvers, justement indignés, demandèrent aussitôt au gouverneur de la maison anglaise de faire des démarches en faveur de leurs compatriotes. Le gouverneur s'y refusa. Tyndall, privé de tout espoir, se consolait avec Dieu. « Oh, que l'on est heureux de souffrir pour la justice, » disait-il. « Si je suis affligé sur la terre avec Christ, je me réjouis dans l'espérance d'être glorifié avec lui dans le ciel. Les épreuves me sont une médecine très salutaire et je l'endure avec patience. Mes ennemis me destinent à l'échafaud, mais je suis aussi innocent que l'enfant qui vient de naître des fautes dont on prétend m'accuser. Mon Dieu ne m'abandonnera pas. Ô Christ, ton sang me sauve, comme si c'eût été le mien qui eût été répandu sur la croix. Dieu, quelque grand qu'il soit, Dieu est à moi avec tout ce qui est à lui. » Tyndall, dans sa prison de Vilvoorde, était plus heureux que Philips à la cour. Si l'on étudie avec soin l'histoire des réformateurs, on reconnaît aussitôt qu'ils n'ont pas été simplement des maîtres d'une doctrine pure, mais aussi des hommes d'une âme élevée, des chrétiens d'une grande moralité et d'une haute spiritualité. On n'en peut pas dire autant de leurs adversaires. Quel contraste ici entre le traître et sa victime! Les calomnies et les insultes des ennemis du protestantisme ne feront prendre le change à personne. S'il suffit de lire la Bible avec un cœur sincère pour la croire, il suffit aussi de connaître la vie des réformateurs pour les honorer.